Oh, De la vie, l'amour, power of love, on the road again, on the like that. With you, my love, my love. Constant evolution. L'amour dans chaque personne qui veut aimer. Tout simplement. Power. Power of the people. Power. Power of music. Power of sharing music. Yeah. power. We've got big power. Power to share. Power to love. The power to share. Power to love. Power to share. Yeah. Power to love. Warmth in our hands. In our hands. To struggle for life, no. En rhizome, l'entraide se développe. Comme les racines des arbres. Les racines des champignons se mêlent. Un système rhizomatique. System. I need to restore. I need to restore. I need to restore. I need to restore. I need to restore. Here and now. Ça oui. And our children. Experiments. Chaque jour que Dieu fait, nous levons, plantons, nouvel air, l'air chargé de plus ou moins de mystères, improvisation totale. Gratuit. Thank you. vitesse augmente ma pression, augmente ma chaleur. Des étincelles partent dans le ciel, partent dans le ciel, des étincelles partent dans le étincelles, partent dans le étincelles, partent dans le. Transformée en comète filante, filant, frôlant, filant. Filante dans le ciel, des étoiles, filante dans le ciel, des étoiles. Elon Musk voulant conquérir Mars, les satellites en ribambelle, demain sur les arbres, demain verrons-nous encore des arbres sur les feuilles dans nos villes métropolisées. Verrons-nous encore. Dans les campagnes écarlates, loin des villes tentaculaires, nous verrons. Si nous voulons. j'avais 20 ans. Comme de vrais poètes.